Regardez, c'est ici le temple de la mort. Ils entrent dans une grotte. Raymond n'a plus aucune volonté. Marie-Thérèse est perdue. Le baiser qu'il lui a envoyé est celui qui les unissait dans la mort, car le jeune homme compte bien ne point lui survivre. Quand il sera sûr qu'elle est morte, son tour à lui viendra. Il aurait voulu se tuer à ses côtés, comme font les amoureux, sur la tombe de la bien-aimée. On lui a dit qu'elle doit mourir dans le temple de la mort. Alors il suit ce vieillard dont on a tué jadis la fille dans ce temple, et qui a cherché ce temple 10 ans, et qui prétend savoir maintenant où il se trouve. La grotte est profonde. Après avoir marché quelques instants dans le sable et les coquillages, le vieillard alluma une branche de résine. La flamme éclaire l'entrée d'un étroit couloir de nuit, mais avant de s'y introduire, Orellana a ramassé dans une excavation une chose qui attire l'attention de Raymond. Qu'est-ce que c'est? C'est une pioche. Vieillard, que comptes-tu faire avec cette pioche? Je compte sauver ma fille, répond Orellana. Tu verras, tu verras. Cette fois, je ne laisserai pas ces brigands l'étouffer comme il y a 10 ans. Tu comprends? Ils la murent vivante. Eh bien, nous n'avons qu'à attendre qu'ils soient partis, et nous la délivrerons. As-tu compris? Bien compris. C'est tout à fait simple. Quand j'eus trouvé le temple de la mort et que je vis dans la muraille toutes les pierres qui recouvrent les épouses du soleil, je m'écriai. Ça n'aurait pas été bien difficile de la délivrer si on avait été là. Mais alors, il était trop tard. D'abord, je ne savais pas où elle était. Était-elle à droite, à gauche ou en face? Mais la prochaine fois, nous verrons bien, nous verrons bien. Viens. Raymond, d'avoir écouté la parole d'Orellana, tremblait. Était-il possible que ce fût si simple que cela de la sauver? Les fous, avec leurs idées fixes, ont quelquefois plus raison que tous les autres hommes avec leur raison. Et il suivait le vieillard, hâtif et fiévreux, dans le couloir de la nuit, illuminé par la torche au point tremblant d'Orellana. Mais Raymond avait pris la pioche. On n'entendait plus rien que leurs pas sur le roc. La terre dans laquelle ils étaient entrés et dans laquelle ils descendaient avait étouffé les champs, comme elle allait peut-être les étouffer tout à l'heure. Ce couloir avait été creusé dans le roc et aboutissait à deux petites salles carrées où avait dû se trouver la sépulture des prêtres et des hauts dignitaires, comme on voit dans les pyramides et hypogées d'Égypte. Dans la dernière de ces salles, Orellana éteignit sa torche et se mit à genoux. On ne pouvait, en effet, se tenir debout dans les trois boyaux dans lesquels il se glissa, suivi de Raymond. Mais bientôt ils purent se relever. Ils étaient dans une niche de pierre, moins obscure que ce couloir qu'ils venaient de traverser. Orellana arrêta Raymond et lui dit « C'est ici. » Les yeux du jeune homme s'habituaient déjà aux ténèbres moins opaques. D'où venait donc cette légère lueur diffuse, grâce à laquelle il entrevoyait des formes, des angles, des colonnes? Il ne put d'abord s'en rendre compte, mais put définir assez facilement la position qu'ils occupaient dans un renfoncement de la pierre, situé à plusieurs pieds au-dessus du sol d'une vaste salle, dont il ne percevait pas encore les limites. « Le temple de la mort !» murmura Orellana. « Écoutez, le temple de la mort !» En effet, le bruit lointain des chants parvenait maintenant jusqu'à leurs oreilles. On eût dit un grondement rythmique de la terre. Et soudain la lumière se fit, complète, et ils en furent éblouis, et instinctivement ils se rejetèrent en arrière. Au-dessus d'eux, au sommet et au centre de la prodigieuse salle souterraine, une pierre venait de se déplacer, ouvrant un orifice assez large, par lequel la lumière dorée entrait à flot. Il y avait là, creusé dans la voûte, une espèce de cône tronqué, dont le sommet était à l'extrémité supérieure, de telle sorte que la lumière du soleil glissait obliquement le long de ses parois et allait rayonner tout le long des murs, promenant son éclat tour à tour sur chacune des pierres qui formaient l'enceinte intérieure de ce temple mystérieux. Sur les dalles, sur les autels, sur les marches, dans les niches, partout resplendissait l'or, dans une magnificence incomparable. Des plaques d'or liées les unes aux autres par une sorte de ciment merveilleux dans lequel était entré de l'or liquide. Ce temple caché était, à la lettre, une mine d'or. Il formait un immense cercle. Sur la partie orientale de la muraille était représentée l'image de la divinité. C'était une figure humaine, centre d'innombrables rayons de lumière, qui paraissait en jaillir de tous côtés. Ainsi, chez nous, on personnifie quelquefois le soleil. Cette figure était gravée sur une plaque d'or massif, de dimensions énormes, parsemée d'une multitude d'émeraudes et de pierres précieuses. Les rayons du soleil levant venaient la frapper directement, illuminant tout le temple d'une clarté qui paraissait surnaturelle, et que réfléchissaient, de toutes parts, les ornements d'or dont le mur et la voûte étaient incrustés. L'or, dans le langage figuré du peuple, était les larmes versées par le soleil, et toutes les parties de l'intérieur du temple étincelaient de plaques polies et de têtes de clous du métal précieux. Les corniches qui entouraient les murs du sanctuaire étaient de la même matière, et un large cordon ou frise d'or incrusté dans la pierre enveloppait toute la salle. De l'endroit où se trouvaient Raymond et Orellana, on apercevait plusieurs chapelles, disposées symétriquement autour de la grande pièce centrale. L'une d'elles était consacrée à la lune, divinité qui tenait le second rang dans la vénération publique comme mère des Incas. Son effigie était représentée de la même manière que celle du soleil, sur une plaque colossale, mais cette plaque était d'argent, comme il convenait à la lueur pâle et argentée de la douce planète. Une autre chapelle était dédiée aux armées du ciel, qui sont les étoiles, cours brillantes de la sœur du soleil. Une autre était consacrée au terrible ministre de ses vengeances, le tonnerre et l'éclair. Une autre à l'arc-en-ciel, et dans ces chapelles, tout ce qui n'était pas en argent était en or. En or, en or. Le temple de la mort représentait, à peu près, toutes les dispositions de l'antique temple du soleil du Cusco, et il ne devait certainement d'avoir traversé les siècles avec toute sa magnificence qu'à la montagne et au lac qui le protégeaient, qu'aux mystères dont ses prêtres n'ont cessé de l'entourer, car combien en ont entendu parler qui ne l'ont jamais vu, même parmi ces Indiens dont la piété et la prière naviguent encore aujourd'hui entre les cérémonies de la religion nouvelle et les rites des ancêtres. Les couloirs de la nuit en sont bien gardés. La foule n'y fut jamais admise, et en dehors des grands dignitaires et des victimes qui y viennent, elles, pour n'en point sortir, après avoir contemplé la figure de la mort, il fallait le prodigieux hasard qui avait servi Raymond et Orellana pour pénétrer dans cette enceinte par un étroit boyau oublié depuis des générations. Quand ses yeux, peu à peu, se furent accoutumés à cet éclat, comme tout à l'heure ils s'étaient accoutumés à l'obscurité, Raymond distingua tous les détails du temple. Son regard fut attiré par l'autel central, élevé de plusieurs marches, et sur lequel étaient disposées les coupes d'or remplies de graines de maïs, les encensoirs pour les parfums, les aiguières destinées à recevoir le sang du sacrifice, et le grand couteau d'or dans le plat d'or.